La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Hamel, numéro de téléphone 418-679-4194. Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roi. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il a permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. Beaucoup de choses à parler avec notre invité, c'est la chronique du hockey mineur de Robert Ball avec Hugo Maltais. Salut Hugo! Salut! Hugo, ronde novice à Tôme avant, comment ça s'est soldé? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que c'est... Ça s'est très bien déroulé. On a eu, là, honnêtement, là, au niveau de la collaboration de Mastoyache, parce qu'on était exclusivement à Mastoyache cette année, ouais. Autant avec le hockey mineur de Mastoyache, donc l'utilisation de l'aréna, que des facilités, là, ça a été, là, au niveau technique, ça a été génial. Par la suite, on a eu des parties cette année, là, au niveau des pointages, puis de la qualité de jeu, à part une catégorie, où est-ce que la Tôme 2B, Robert Ball, était probablement trop fort pour les autres équipes, mais sinon, okay. Là, dans le novice, en fin de semaine dernière, on a eu deux finales là, qui se sont soldées par des marques de 3-2 les deux fois. Puis après ça, on a eu là, des demi-finales, là, des finales dans le cas du novice, de la Tôme A puis de la Tôme B, où est-ce que ça s'est soldé par des 3-1 d'un filet désert puis 2-1. Donc, je veux dire, au niveau là, les parents de la compétitivité des équipes, ça a été là, vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc, je pense qu'on a eu, moi, j'ai eu des félicitations. On a eu zéro critique de personne. Ah, c'est bon. Que ce soit au niveau de l'arbitrage, de la structure. Donc, je pense que on peut se donner là, cette année une note de A+ là, pour vraiment l'organisation de notre tournoi, puis la façon dont ça a été fait avec les moyens qu'on avait. Je pense que les résultats financiers, même s'ils sont pas terminés, les résultats financiers vont être quand même là. Quelque chose de très bien également là, pour cette ronde-là. Donc, c'est une belle édition. Puis, ben, on va là maintenant travailler sur notre édition là, de la 40e l'année prochaine là, dans notre nouvelle aréna. Nouvelle aréna, 40e édition. Okay. Ouais, ben, nouvelle, c'est la 40e édition. Donc, on a déjà des idées. Là, puis, on a déjà commencé à travailler un peu là, notre dossier pour que tout soit prêt là, déjà en début d'été pour notre 40e. Donc, ça va bien. On est bien content de ça. Ça a été un beau travail. OK. Hockey scolaire. Comment tu vois ça? Tu dois être... je me mets dans ta peau. Tu dois être assez mal à l'aise dans le sens que tu travailles à la cité étudiante. Tu sais que la ligue... il y a une ligue étudiante. Vous avez fait la demande pour une équipe scolaire au niveau Benjamin. Puis t'es président du hockey mineur, puis à quelque part, ça va venir déranger ton hockey. Ça doit être pas évident pour toi, là. Ben, c'est sûr que c'est pas... Ben, à la base, c'est une décision de commission scolaire. Donc, la commission ouais. scolaire a décidé qu'elle faisait du hockey scolaire. Ouais. Donc là, il y avait les directeurs d'école, ben, ils ont décidé que parce que c'était nous qui avait commencé la concentration, la première option hockey, donc, ils ont décidé que ça se faisait à Robertval. Donc, ça, à la base, oui, je travaille à l'école, mais la commission scolaire fait, ben, si c'est pas à Robertval, ben, il va, la demande Benjamin va être soit à Saint-Félicien ou elle va être à Delbeau, peu importe, mais il va se faire une demande quand même. Fait que ça, à partir de là, oui, je travaille à cette étudiante, oui, je travaille à la commission scolaire, mais je peux pas empêcher, un projet qui, puis je suis pas assez pesant à Robertval pour dire faites pas ça à Robertval, puis faites-la à Saint-Félicien ou faites-la à Delbeau. Ouais. Donc rendu là, ben les gens qui travaillent à cette étudiante, puis les directeurs qui ont appuyé la candidature de Robertval font que ben, regarde, tu peux donner ton point de vue par rapport à ça. Puis s'il a embarqué maintenant, il y a des il y a des réalités en 2018 que tu peux pas nier non plus. Tu sais, je veux dire, je vais être bien honnête. l'association, ça parle pas juste du hockey mineur de Robertval, c'est Saint-Tintin, c'est Dolbeau, c'est ouais. Alma. Les gens, de plus en plus, sont prêts à tendre vers du hockey scolaire. Puis je te dis pas, là, c'est de la division 1, mais tu fais de la division 2, 3, 4, 5, 6, puis tu te disais, ben regarde, le hockey se passera à l'école, puis les pratiques se passeraient à l'école, puis tu aurais tes parties juste les fins de semaine, puis les gens, là, achèteraient tout ça tout de suite demain matin. Parce que c'est la majorité des jeunes, même cette année, regarde, j'en ai une vingtaine là, qui sont rendus en secondaire 1 puis qui ont arrêté de jouer au hockey mineur pour juste faire la petite concentration, ben pas la petite, mais faire la concentration de hockey. Puis de temps en temps, ben il y a des tournois scolaires organisés par la RSEQ. Puis les parents, puis les jeunes, ça les contente parce qu'ils font d'autres choses également que la fin de semaine qu'il y a du hockey. Puis ceux qui sont mordus de hockey qui aiment ça, ben ils font les deux. Ils font le civil puis ils font le scolaire. Ça fait que moi, quelque part, je perds des membres. Effectivement, je perds des membres par rapport à ça. Mais c'est ça la tangente. La tangente est vers le scolaire. Puis tu sais, beaucoup parlent. Il y en a beaucoup qui disent qu'en 2020, là, donc la RSEQ et Hockey Québec, comment ça va fonctionner? Est-ce que les jeunes vont falloir qu'ils choisissent soit juste le scolaire, soit juste le civil? Puis ainsi de suite, il va avoir là, tu sais, il va avoir une guerre de pouvoir là, mais c'est dur d'être contre. Non, c'est sûr. Un projet scolaire, où est-ce que tu sais, là, je dis, là ça c'est la RSEQ, mais si t'étais plus gros, ben ça serait la LHPS avec Mathieu Darche, puis il y aurait d'autres choses, puis il y aurait d'autres choses, puis fait que et là ben ça va dépendre également, tu sais, de la structure, la fameuse structure d'Hockey Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui dit que l'année prochaine, ben peut-être que toutes les équipes vont être basées à Arvida. Ben là, si toutes tes équipes sont basées à Arvida, tu fais quoi pour les jeunes du lac? Ouais. Alors, c'est là que tu vois que... Est-ce que tu veux-tu les mettre à 12 ans en pension? Non, il y a peut-être des parents qui sont pour ça, mais il y a des... Tu vois, tu viens de dire tout de suite, ah non, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Tu as une majorité de parents qui vont dire il ne sera pas en pension. Fait que le scolaire, à quelque part, ben oui. Pour venir chercher une masse de joueurs, comme Alma est allé chercher une masse de joueurs de jeunes de Dolbeau, ils sont 7-8 dans cette équipe-là, ben la commission scolaire dit, ben si j'envoie 8 élèves à Alma, ben si j'avais une équipe, ils seraient dans ma commission scolaire. Fait que c'est délicat, mais c'est la réalité. Puis à un moment donné, ben t'es aussi longtemps que tu vas avoir là une formule là, Hockey Québec, puis scolaire, puis qui n'est pas nécessairement d'entente, ben là, c'est, regarde, ça donne des situations comme ça, puis ben nous autres, à quelque part, on travaille pour les jeunes, fait que si c'est une solution pour certains jeunes, ben, ouais. On se dit pourquoi pas. OK. On se dit pourquoi pas. Puis le DG de notre commission scolaire, ben, c'est un monsieur qui vient d'Alma. Là. Ouais. Puis lui, ben, il a parti le hockey scolaire à Alma. Là. Il était directeur de PWD à Alma quand le hockey scolaire est parti. Donc lui, il connaît ça. Puis donc c'est pour ça aussi, il a son intérêt à dire, ben, regarde, pourquoi on partirait pas ça dans notre. Ouais, effectivement. Tout ça combiné, ça fait une drôle de situation quand même. Ben oui, c'est ça, parce que t'es président du hockey mineur, t'es oui. T'es un genre de conflit d'intérêt. Mais je tire pas dans la chaloupe. Non. C'est deux dossiers différents. Rendu là, ben regardez, s'il faut vraiment qu'à un moment donné, à quelque part, ben je me tasse, je vais me tasser de quelque chose. Puis, ouais. C'est pas pire que ça, mais puis je pense que de plus en plus, les hockey mineurs, ben ils vont tendre vers s'occuper juste du hockey simple lettre. Et je pense que de plus en plus, le hockey double lettre va aller dans les écoles. C'est une bonne affaire. Je pense que c'est l'avenir parce que pour une question bénévole. C'est une question bénévole aussi. Ça veut dire que de plus en plus, moi je vais gérer mon petit novice, je vais gérer mon petit atome, puis c'est correct, là. Mais ça va devenir de plus en plus ça également. Ça fait que. Faut pas se mettre la tête dans le sable pis faire à croire que je pense que ça, on s'en va également par là. Fait que, ouais. Une adaptation de la réalité. OK. Deuxième point important, ça a sorti la semaine passée. On était le deuxième à le sortir. Ça a sorti au Saguenay au départ. Dominique Bolduc, il faut lui donner une nouvelle à CKJ, il est proche des Marquis, c'est le diffuseur des Marquis. Gilles Péloquin, je l'appelle Monsieur l'Ignore américain de hockey, a sorti la nouvelle ici à Dan Radio Sport. que Robert Val était dans les plans de la Ligue nord-américaine. D'autres, on a parti à rire quand on a vu ça. On a dit, voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis de fil en aiguille, je demeure encore convaincu que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, demain, il y a une rencontre demain entre Richard Martel puis le maire de Robert Val, Sabin Côté, pour parler d'une possibilité d'une franchise de la Ligue nord-américaine de hockey à Robert Val. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve ça farfelu. Très farfelu, ouais, même de moi, c'est sûr que ça touche pas à mon, personnellement, ça touche pas à mon hockey mineur. Tu sais, je veux dire, ça a pas de retombées, soit positives ou négatives, là. Puis même si des gens, tu sais, je veux dire, ça me touche pas personnellement. Maintenant, oui, ça, tu vas me dire, ça, puis ça touche pas nécessairement également mes heures d'aréna parce que c'est des adultes qui jouent plus tard. Maintenant, moi, c'est sûr que, j'ai vu un peu Guy Larouche ce matin, dans le quotidien, qui disait, ben, ça va peut-être faire mourir le junior. Ben, pas peut-être, là. Il avait raison de dire ça va vous pensez faire que mourir quel... le junior à Robert Val. Rendu à ce point-là, ben, c'est toujours le même phénomène de rentabilité, je t'en ai parlé la semaine passée en dehors des ondes. Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'il y ait quelqu'un qui, avec le bassin de population qu'on a, la grandeur d'aréna qu'on a, oui, à Neuve, mais il rentre 800, mettons 1000 personnes. Comment tu vas faire pour rentabiliser tout ça? Hey, 300 000, on parle de 300 000 de commanditaires par année après année. Et je me suis informé, je me rappelle plus, on fait tellement de nouvelles, mais la traversée de la salle du Lac-Saint-Jean fait 250 000 par année, puis c'est très difficile, là, faut aller chez des... Mais là, on parle de 300 000, donc déjà là, et ça, t'as pas de joueurs, on parle d'un budget de 850 000, voyons donc, c'est ridicule, là. Puis, puis moi, j'ai parlé avec des gens, là, cette semaine encore, qui étaient dans l'ancienne structure du senior à Robertval, qui a eu des grosses équipes à Robertval. Ouais. Puis les gens disaient, écoute, Hugo, là, c'était des budgets assez faramineux qu'on avait quand même, là. Puis les joueurs, payer les joueurs, puis à la fin de l'année, on avait de la misère à arriver à kiff-kiff. Puis là, on parle pas de 850 000, là. Non, mais tu parles même pas de 850 000, là. Tu parlais des budgets peut-être bien 150 000 piastres. Mais... Puis les gens avaient de la misère à arriver, puis là, ben tu sais que le pouvoir de la Ligue, ben c'est le pouvoir, c'est les joueurs qui l'ont puis qui négocient, là. Mm. Donc les bons joueurs, va falloir, même que tu diras, ben... On va limiter les salaires, excuse-moi, mais le gars qui veut jouer, là, ça, on le sait comment ça fonctionne. Il y en a un qui va payer quelque chose de plus à l'autre qu'à l'autre dans les villes. Puis tu veux avoir ce gros joueur-là, ben excuse-moi, mais s'il te demande 2000 piastres en fin de semaine, ben c'est pas compliqué. Tu mets 2000, ben tu l'as pas. Mm. Puis ça commence, puis à un moment donné, ben ça a fait mourir la Ligue senior qui était... La Ligue senior, qui, dans le temps, c'était du gros calibre. Il y avait des méchants de bonnes équipes, ça jouait du hockey. Ouais. Mais les salaires, à un moment donné, ont fait que, ben, je sais pas, là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt à perdre de l'argent. S'il y a quelqu'un qui a trop d'argent et qui dit, ben, moi, je perds de l'argent, ben, ça, je respecte ça. Mais s'il y a quelqu'un qui, le moindrement financier, qui dit, ben, moi, je voudrais faire ça pour pas perdre d'argent, je suis pas sûr que c'est le meilleur projet en ville. Mais s'ils veulent l'essayer, moi, je suis pas contre, mais ça va être quoi? Tu vas mettre les billets à 20, à 20, à 25 $. Mais si tu mets les billets à 25 $ à Robertval, oui, t'as une partie des personnes qui sont capables d'y aller, mais c'est pas tout le monde qui va être capable de mettre 20, 25 piastres du billet pour aller voir ça, là. C'est complètement farfelu, veut dire. Et je pense que à la blague, puis on est dans science-fiction, Hugo. Le gars qui pourrait amener ça, c'est Samuel Girard, éventuellement. Pour Jérémy, puis pour... Puis là, on est dans le cosmos pas mal, là. Mais c'est à peu près juste lui que je vois, là. Ben, ça prend quelqu'un qui dit, ben, regarde, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment, tu sais, de l'argent. je suis capable de l'investir, je suis capable de ça, puis je suis capable de... Ouais. Il y a un Samuel, mais il est pas dans une couple d'années. Ouais. Ben, c'est ça. Présentement, en 2018, je suis pas sûr qu'il voudrait mettre 300 000, 400 000 piastres pour faire vivre une équipe senior, puis c'est de l'argent, là, ça prend du monde, là, ça prend des petites idées. Puis on n'est pas dans un coin économique où est-ce que on a plein d'industries qui diraient, ben regarde, oui, j'embarque à coût de 10 000, puis 10 000, puis... Mais même à coût de 10 000, ça va t'en prendre plusieurs des 10 000, là. Ben là, on n'a pas ça dans notre secteur. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça complètement farfelu. Je pense qu'à la limite, ils vont parler plus de politique demain, lors du souper. Ben probable. du dîner que... Non, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Là, tu sais, je veux dire, c'est de la misère à quoi. Puis je voirais pas comment Roberval, admettons, ou la ville de Roberval, dirait, ben regarde, je vais donner 100 000 piastres pour ça. Ben, ouais, j'ai parlé avec Samin Côté, puis c'était une des questions que j'ai posées. Fait comme pour, parce qu'il faut pas oublier une chose, promotion Saguenay est derrière beaucoup les marquis. Là. Oui. Puis il n'y a pas de promotion Saguenay à Roberval. Là. Donc, c'est carrément la ville de Roberval qui faudrait qu'il mettrait de l'argent. Puis je suis pas puis là, je suis pas convaincu, puis on est à Jonquière, là. Tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, à Roberval, ben, si tu veux mettre de l'argent là, ben. Il parle de différents projets, là, comme la Pointe-Côte, des projets touristiques. Ah, ouais. Tant qu'à ça, mettre de l'argent là-dedans, puis faire vivre la communauté à Roberval, puis faire vivre les commerçants à Roberval, plus que dire on va mettre X montant dans une équipe senior que dans un, dans deux, dans trois ans, peut-être bien que ça fonctionnera même plus. Tu vas tout avoir perdu ton argent, je pense. Effectivement, effectivement. Je pense pas que ça soit quelque chose d'intelligent par rapport à ça. En tout cas, le dîner est demain. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en retourner de ça. On va surveiller ça de très très près, mais j'ai l'impression que ça va sortir. Il va y avoir quelque chose de positif qui va sortir, mais là, pour pas fermer, pour pas avoir de l'air fou trop, là. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de très vague, mais finalement, qu'on n'entendra plus parler à partir de la semaine prochaine. Ils vont bien s'apercevoir quelque part. Ouais. Hugo Maltais, gros, gros merci, puis on s'en reparle. Parfait. Merci.